Salut à tous, bienvenue à bord de Rorqual, la radio officielle rassemblant les chroniqueurs atteints de la leucomania. Pour ce tout premier épisode, sont présents avec nous ce soir JD, Oui, bonjour à tous et bienvenue sur notre émission. Nat, Salut Roro, à tous. Quel bonjour à tous. Enfin, voilà, bonsoir. et moi-même, Light 4517. Alors, dans cet épisode, on va vous parler de la saison 5. Donc, on va revenir un peu sur le pourquoi du comment et aussi vous faire part de nos attentes pour cette saison. Puis, tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait enchaîner avec une petite discussion sur la fin de la saison 4. En gros, ce qu'on a pensé de la fin de cette saison, est-ce qu'on a été content, déçu? Enfin bon. Mais avant, je me permets de rapidement vous présenter le concept de l'émission. Donc, c'est une idée qui me tenait à cœur depuis quelques temps déjà, et puis avec l'année 2012, la saison 5 qui arrive, on s'est dit que c'était le moment idéal pour lancer une radio qui ne parle que de Code Lyoko, avec différents sujets selon les épisodes. Donc les épisodes seront mis en ligne ou téléchargeables, ça dépend de ce que vous préférez. Et puis bon, comme ça vous permettra de l'écouter quand vous voulez, en prenant le bus, avant de dormir, en jouant en jeu, enfin bref. C'est à vous de voir. Donc nous, on fait surtout tout ça par plaisir, quoi. Et pour un peu relancer surtout la Lucomania. Bien sûr. Donc, bienvenue dans la partie théorie. On va vous parler de la saison 5. Alors, chers amis, que voulez-vous savoir sur cette fameuse saison 5 très attendue? Ouais, moi je voulais savoir est-ce que dans la saison 5 on verra Jérémy enfin qui sera virtualisé sur Yoko. Étant donné que dans la saison 4 il a appris à Yumi, Odd et Ulrich à servir du supercalculateur même s'ils l'ont mal fait, est-ce qu'on va pouvoir le voir enfin sur Yoko? Bonne Tu veux dire question. qu'ils leur apprennent? Non mais il l'a déjà fait quand tu vois le bouquin qu'il a écrit dans la saison 4. Pour leur apprendre, quand à un moment donné il dit que vu que Xana l'attaque lui et Alita pour ne pas justement, enfin pour que si jamais eux sont neutralisés, Code Lyoko, enfin sous son attaque, c'est, vu que c'est Alita qui va désactiver les tours et puis lui qui envoie les mecs dans le monde de Lyoko, vu qu'avec lui il a appris aux autres, aux trois autres, à Odd, à Yumi et à Ulrich à servir du supercalculateur. Donc, est-ce que lui, enfin, dans la saison 5, est-ce qu'il va enfin aller sur Lyoko, tu vois? Est-ce qu'on va le voir avec un Moi personnage, j'aimerais là? bien. J'aimerais bien, mais je pense qu'en fait il lui faudrait une vraie raison d'aller sur Lyoko. Comme dans la saison 1 Voilà, c'est où ce il que s'est j'allais dire. disputé avec Alita et tu vois ça a fait qu'il voulait aller sur Lyoko. Là s'il a pas de raison à mon avis, mais il ira jamais sur Lyoko quoi. De Et ce plus, serait classe. il faudrait que son rôle sur Lyoko soit aussi indispensable que sur Terre. Non, apparemment il est ridicule sur Lyoko. Oui, avec son costume tel qu'on peut le représenter, mais imagine qu'il se bricole un bon gros costume de la mort qui tue. Au contraire, il se fasse un avatar à l'image de France. Non, non, une bulle là, non. Tu sais, ça c'est Moonscoop qui fait des économies, hein. Oui, ça c'est Ils ont lui, fait, pour le alors coup, c'est là. bon, on a fait William, c'est bon, on a assez investi, maintenant, Hopper, ça sera une bulle, et puis voilà. Enfin, Enfin, je pense, c'est hein. un Je budget. pense, enfin, moi Les c'est... costumes sont sympas. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il reviendra à la vie? Oh. Hopper. Hopper? Il est pas mort dans la saison 4? Si, il Non. est Ouais, mort. enfin. Il est mort. Oui, peut-être pas. Oui, si, il est mort. Il est mort. Il est Je mort. pensais que tu parlais C'est des bon, plus faut saison 2. arrêter. À chaque fin de saison, depuis la fin de la saison 3, on nous fait croire qu'il est mort, puis... Même depuis Voilà, la fin de la alors. saison 2. Il est mort à la fin de la 1, il est mort à la fin de Enfin, la la 3, il est mort 2, à la fin de la à la 2 4. aussi, il est mort, tu vois. Ils ont dit, ouais, c'est bon, il est mort, il t'a sauvé, c'est fini. À la 3, on croit qu'il est mort, et à la 4, c'est bon, il faut pas nous faire le coup 36 000 fois, tu vois. Au bout d'un moment, faut qu'il crève, hein. Mais, voilà quoi. Non mais je pense qu'il, tu vois, à la limite, il a pu mourir. Et tu vois, je sais pas si vous avez entendu parler des livres, là, le château souterrain, tout ça. Où Ouais, là, on vaguement nous entendu explique, hein, parler. grosso modo, j'ai eu un résumé, on nous explique en fait Yumi, Odd, Jérémy et compagnie, là, toute la clique, ils vont dans l'ermitage, puis ils découvrent une pièce secrète où Hopper, voilà, quoi, il leur a laissé des informations. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre ça ou pas pour la saison 5? Je sais pas, mais c'est possible. Ils ont dit que les livres étaient une suite, enfin à la fois une suite et un retour sur leur propre backstory. C'est bien possible que s'il faut une saison 5, ils s'appuient dessus. Ouais. Parce que comment refaire une série sur un truc où ils ont arrêté le supercalculateur à part le rallumer? Il Bah. faut une bonne raison pour le rallumer. Oh, ils en trouveront une. Je veux dire, le T'inquiète P5, pas. on a bien Justement, loupé. je vais vous dire, c'est même plus que de voir l'esthétisme qu'ils vont nous faire, c'est vraiment la raison qu'ils vont trouver de rallumer le supercalculateur. Et si Ça va être Xanadu marrant, a la ça. raison pour laquelle il va revenir. Ça, franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus, scénaristiquement. Non, moi, ce qui m'intéresse le plus, quand même, c'est au niveau esthétique. Parce qu'ils nous ont parlé de prise de vue réelle et tout ça. C'est vrai que tout le monde est Attention, hein, inquiet, ça là. gère. Réfléchissons, de deux choses l'une. Nous sommes avec Moonscope, une série qui est super fort pour faire des économies, et c'est pas moi qui. Et ça, il n'y a personne qui pourra me contredire parce que je suis l'expert en la matière. En ce qui Exactement. concerne le recyclage de plans, je peux me parler mieux que n'importe qui. Donc, c'est Moonscope qui fait des séries, qui fait des économies. Conclusion, s'ils lancent ça, de deux choses l'une, soit ils vont vraiment le faire, et là, ils n'ont pas intérêt à se louper, c'est-à-dire qu'ils nous font vraiment quelque chose qui soit une tuerie du point de vue technologique, soit au contraire, c'est juste un effet d'annonce. Un effet Là, je veux d'annonce. dire, tu crées cette annonce, qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien que le web, il n'y a pas mieux que le web pour créer des effets d'annonce et de polémique et de tout ce que tu veux. Ouais, mais est-ce que Moonscoop, ils sont du genre à mentir comme ça aux fans, tu vois? Enfin, je pense que... Pas mentir! Non, mais prise de vue réelle, tu vois, ils sont malins, ils ont bien quelque... Enfin, ils auraient pu nous en donner... Enfin, nous dire plus, tu vois. Ils ont dit prise de vue réelle, puisque ils savent très bien que c'est un terme qui laisse entendre plusieurs choses. Moi, je pense pas qu'il y aura des acteurs, Exactement. hein. Sincèrement, je pense pas qu'ils vont engager des acteurs. Ça m'étonnerait sinon. Ils vont pas Ouais, ils nous n'ont faire pas les un truc moyens. à la Power Rangers, là, où tu vois les mecs déguisés, c'est trop mal fait. Ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'ils vont. Prise de vue J'avais réelle, déjà enfin, je pensé à pense, ça. à mon avis, ils vont juste améliorer, tu vois, l'esthétisme, enfin, ouais, l'esthétisme. Bah, la 3D, on peut pas faire mieux au niveau de 3D, quoi. La 3D, ils peuvent que la rendre plus jolie, mais il n'y a que la 2D où ils peuvent faire un effort, Ouais, c'est ils tout. vont essayer de, je sais pas, de rendre les mouvements plus fluides, plus, je sais pas. Ouais. Engager des acteurs, c'est la pisse heureuse. La pisse. C'est la pisse. Oui, d'accord. Mais vous vous rendez compte quand même que Donc, parmi. C'est pas possible, hein? sortir des acteurs, c'est la piste. Non, pas la pisse. Non, c'est la pire, je veux dire. Ah, la pire, ah, même Pas... pas. Ah, c'était vraiment à C'est la côté de la pire plaque, hein. erreur qu'ils puissent Qu'ils faire. puissent faire. Voilà. J'ai un peu. Bref. Non, mais même les personnages, tu vois, genre Aelita, Odette, attention, parce qu'ils ont un Facebook. Ils écrivent dessus sur leur Facebook. Ils disent aujourd'hui, j'ai fait un tournage, etc., etc. Mais c'est pas des acteurs, hein, c'est vraiment le Facebook de. Naturellement, les cheveux d'Aïta ou la coiffure d'or. Ouais, je vois pas trop ça. Et puis même, à mon avis, ils ont pas les moyens nécessaires pour faire ça, parce que regardez toutes les attaques de Xana qui a eu au cours des saisons. Ça, dans un dessin animé, ça peut être nickel. Par contre, tu commences à faire un truc avec des bras d'acteur, niveau des effets spéciaux, tout ça, faut investir pour que ça soit un minimum crédible. Et puis il faut beaucoup de figurants pour simuler quand même la vie au lycée, l'entourage Et des franchement, je crois pas qu'ils auraient ils auraient pas le budget pour faire croire qu'ils ont des bâtiments incendiés, donc faire apparaître des monstres, provoquer des catastrophes naturelles. Voilà, les météorites et compagnie, une satellite, ça, on peut Bon, oublier. en Hein. même temps, il est possible aussi qu'ils aient envisagé que Xana n'en revienne jamais sous cette Non, forme. tu sais quoi, même dans leur communiqué qu'ils écrivent, il me semblait qu'il y avait écrit retour de Xana ou je sais plus trop. Enfin, moi je suis persuadé que Oui, Xana il mais va revenir. j'ai dit qu'ils ne reviennent jamais sous cette forme, c'est-à-dire en faisant des attaques de ce genre. Oui, mais aussi, pour parler du RL, si franchement ils avaient vraiment commencé, parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient commencé à faire la saison, si franchement ils avaient commencé, ça serait su, parce que un truc comme le cas dit qu'avec un Invercure, il faut beaucoup de figurants, Ouais. donc il y aurait eu des infos qui auraient filé, tu vois, c'est pas possible. Oui, des intros, oui, c'est clair. Un casting, il y a forcément des infos qui filtrent, hein, c'est sûr. Non, je pense qu'ils vont Voilà rester quoi. dans. Non, de toute façon, ils avaient parlé d'animation traditionnelle, je crois, ou je sais plus trop quoi. Moi, je pense qu'ils vont rester en normal, ça va juste être une amélioration, une évolution, d'où le titre Coleco Evolution. Mais les vrais acteurs, c'est pas, je le sens pas en fait. Je sais J'espère pas. juste que c'est pas Kolyoko Révolution qui vont nous sauver. Ils vont Ouais. tout changer. Non, le problème avec des... Non, tu vois, en fait, le problème avec Enfin, non, il n'y a pas vraiment un problème. Avec des vrais acteurs, moi, je fais partie de ceux qui soutiennent un film Kolyoko avec de vrais acteurs parce que Moi aussi. c'est techniquement possible. Ouais, bah la technique est là, L'autre hein. souci, c'est Enfin, je veux clair. dire, il y a des Aujourd'hui, films, voilà. on Tu peut tout veux. faire. On peut tout faire au niveau de la technique. Après, c'est vraiment une question de réalisation. Enfin, là, on Hein? s'éloigne un peu, mais s'ils sortent un film Kolyoko, je pense que ce sera un film américain. Oui, on va avancer, c'est foutu. Donc, on aura. Et les Américains, Voyons ils voir. aiment Alors... bien changer un peu les choses, tu vois. Ça va être un film, je parie que les personnages, Ouais, ils seront mais. lissés, etc. Ce sera pas le même truc. Est-ce que tu veux que je te donne ma version de Kolyoko version américaine? Vas-y. C'est parti! Alors, on va commencer par Ulrich, qui est le quarterback, qui est le capitaine de l'équipe de football américain. Ensuite, Odd. Exactement ça. Bon, grande modification, Odd, il est black. Attention, c'est un black. Et il drague toutes les filles. C'est le petit black qui drague toutes les filles. Ça, c'est Odd. Ensuite, on enchaîne avec Yumi. Yumi, elle, ça va très bien. Elle parle vaguement américain. Elle a un fort accent japonais. Et elle fait du karaté comme c'est pas permis. D'ailleurs, on verra une scène où elle s'amusera à casser des briques. Ce qui montre au spectateur qu'elle est très forte au karaté. Ensuite, on va enchaîner avec Aelita. Bon, alors, elle sera rousse, hein, automatiquement, à forte poitrine. Parce qu'il faut quand même attirer les jeunes adolescents prépubères américains. Et je ne parle pas de Jérémy qui sera un geek fan de Warcraft. Ah oui, Exactement. si, si. Blonde, oui, si, si, Ce sera blonde. la peste, comme Accompagnée dans les films de types américains. bien baraqués qui auront l'air d'être Nicolas Hervé mais qui n'en auront rien à voir. Jim Morales sera un immigré mexicain. Ensuite, et puis, alors, attention, on ne peut pas oublier l'usine. Alors l'usine, ce sera dans la banlieue, des kilomètres et des kilomètres. On ne sait pas comment ils vont y aller. Si, en voiture, parce qu'ils auront des bagnoles, hein, c'est normal, c'est des Américains de cet âge-là. Et puis alors, attention, Xana, il est super méchant. Hein. Ce sera une IA qui te fera sortir des robots géants d'un peu partout. Et Ce en sera plus, il pourra sauver l'incarnation ses du gars. mal, tu vois. Non, Le mais c'est méchant. pas grave, parce que comme ils sont aux Amériques, ils pourront les dégommer avec leur fusil. Oui, non, oui, mais c'est sûr, ils auront des. Oh, mais non, on n'oublie pas, ce sont des policiers américains. Forcément, ils auront beau tirer, ils louperont toujours leur cible. Voilà. Non, pas Voilà, bon. ça c'est Kolyoko version américaine. Donc, Et je crois que j'exagère pas trop, hein. c'est possible, hein. Sincèrement, connaissant, ouais, je pense que c'est possible. Pour revenir un petit peu au sujet qui est la saison 5, Pour Antea. elle doit avoir 50 balais là. Parce que regarde, il y a eu, Ah oui. elle avait quel âge quand elle a épousé Hopper, on va dire. 18 ans. Non, on s'était mis d'accord sur 18 ans pour que ça fasse. Enfin, à mon avis, elle n'avait pas 18 ans, mais on Pour pas parle que de l'âge le plus bas. On va dire minimum 18 ans, ça fait qu'aujourd'hui, elle a 38 ans. Mais comme c'est sûr qu'elle n'avait pas 18 ans, je pense même qu'elle avait la Oui. trentaine en fait, c'est-à-dire que là, elle a 50 C'est ans. une vieille. Elle a 50 ans et je sais pas trop, elle est donc soit elle est morte, soit elle est toujours en vie, mais ouais, vieille. Comment réfléchissent la mémoire? Jérémy n'a jamais essayé de aller rematérialiser Hopper sur Terre? Si, à la fin de la saison 3, mais comme par hasard, c'est trop tard et etc, Ah etc. oui, c'est vrai. C'est Je vrai, me ouais. souviens plus. Faut toujours des trucs comme ça. Toute façon, j'ai du mal à croire que malgré leur lutte contre Xana et leur recherche de Franz, ils n'ont pas essayé une seule fois de faire des recherches sur Antea. Surtout quand on voit parfois le temps qu'ils prennent sur leur vie privée. Ça, après, c'est, je pense que c'est les scénaristes de la série qui se sont dit, on va pas Ah s'attarder oui. sur la backstory, tu vois. Ils se sont dit, oh, c'est Oui, pas ça mais je veux l'important. dire, Voilà. en supposant que justement ce soit réel comme situation, je pense pas qu'ils passeraient 3 ans, enfin, un peu moins de 3 ans sans faire des recherches aussi sur la mer. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, moi je croyais qu'elle était morte, la mère. Non, elle n'est pas morte. Elle a été enlevée, séquestrée, torturée, et tout ce que tu veux, mais elle est sûrement vivante. Elle Sait est rien. peut-être morte. Elle est peut-être morte. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. C'est ça leur objectif. J'ai toujours cru qu'elle avait crevé, moi. Mais c'est sûr que. Mais même, est-ce que, même, ça soulève une autre question. Admettant que la mère de Aïta soit libre, soit vivante, vous imaginez un peu la nature des ennemis qu'ils devraient affronter? Ok, ils ont affronté une IA qui était capable de fabriquer des armes redoutables, mais là, on parle d'organisation criminelle, des ados qui affrontent une organisation criminelle. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, que je regardais Kolyoko, j'avais pensé à un truc totalement débile. J'avais pensé qu'en fait, France Hopper avait utilisé l'esprit de sa femme pour créer Xana. Mais je crois que t'es pas le seul à y avoir pensé, à mon avis. J'avais pensé ça, moi, je me souviens. J'ai une petite question. Vous l'avez appris comment, en fait, pour la saison 5? Et qu'est-ce que ça vous avez fait, en fait? Enfin, 5 ans après, tu vois. Parce qu'il y a quand même eu 5 ans entre 2007 et 2012, enfin, 2011, c'était ça l'annonce, 2011. Donc 4 ans, où, dans le vide, quoi. Où personne n'y croyait plus et tout. Et là, tout d'un coup, dès qu'on apprend la saison 5, enfin, je sais pas comment vous avez réagi. Bah ça a fait un coup de massue, j'y attendais pas. Ah ouais. En fait on y croit tout. Ça m'a rien fait, cette saison 5. Donc, Finalement. ok, Autant que bah. je vois passer à autre chose, mais je crois que c'est le fait d'avoir passé tellement de temps sur le PL5 qui fait qu'au final je m'en suis jamais vraiment détaché. Voilà, il y a J'ai aussi toujours cru en PL5. quelque sorte. Projet Lyoko 5. Mais du coup, tu vois, il y a plein de Lyoko-fans du coup qui ont arrêté de regarder tout ça. Donc, forcément. C'est pour ça que Moon Scoop, tu vois, j'ai l'impression qu'ils essaient de regagner un peu leurs Lyoko-fans. Ils se rendent bien compte qu'il y a eu 4 années de vide. Donc, forcément, ils sortent une saison 5, ils sortent un jeu social, ils essayent de petit à petit de se reconstruire, tu vois, de reconstruire la Non, communauté non. des Lyokofans, forcément. Ouais, non, Une non, page non, non, non, Facebook je et crois tout. que c'est le vrai fond. C'est qu'entre-temps, ils ont produit Titeuf, qu'ils se sont bien ramassés et qu'ils ont besoin de repartir avec quelque chose qui marche vraiment. Mais apparemment, tu vois, la saison 5, c'était un projet qui leur tenait à cœur, qu'ils voulaient faire. Mais c'était quoi le souci de base déjà? C'était que les chaînes, voilà, les chaînes, elles voulaient pas financer, apparemment. Soi-disant. Parce que c'était pour ça qu'on avait Ouais. signé une pétition, tout ça. Alors, je sais plus exactement c'était quelle chaîne, je sais plus si c'était France 3, Canal Du ou que sais-je. Mais en tout cas, apparemment, il y avait une des chaînes qui voulait pas C'est sûr que si financer. c'est France 3 Auvergne, c'est normal. Oui, France 3, protection. c'est normal. Il se plante toujours, hein, que ce soit dans la diffusion des épisodes, je me souviens qu'il est passé dans le désordre. Et que enfin, il faisait vraiment n'importe quoi. Ils s'en foutaient. Ouais. Enfin bon, moi je propose bah, qu'on passe à la suite. Donc, re-bienvenue. Donc maintenant, on va vous parler de la fin de la saison 4. Concrètement, bah, qu'est-ce qu'on a pensé de cette fin, quoi? Moi, je me souviens que la fin de diffusion de la saison 4, c'était une horreur, parce qu'ils avaient complètement changé les horaires du matin. Vraiment. Ah, et vous vous rendez compte, là, quand ils ont diffusé la fin de la saison 4, mais c'était entre 6h et 8h du matin, quoi. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens qu'ils avaient changé les horaires, ça passait hyper tôt le matin. Et moi, je m'attendais. En fait, c'était hyper tôt le matin, ouais, c'était vers 6h, un truc, même 5-6h même du matin. Donc j'étais là dans les starting blocks et tout. Mais par contre, je savais pas que j'allais voir la fin de la saison 4, tu vois. Je pensais que j'allais voir du 80, c'était, attends, du 92 au 93, maxi, tu vois. Je pensais qu'ils allaient mettre 2 épisodes. Mais ils nous ont vraiment mis toute la fin, quoi, d'un coup. Il voulait vite l'expédier. Ouais, ils voulaient vite l'expédier tellement elle était bâclée. Parce que mon avis ça, sur la fin de la saison 4, c'est qu'elle est bâclée, hein, soyons honnêtes. Enfin, je sais pas Comment ça? ce que vous en pensez. Oui, c'est bâclé. Faut même pas la peine de reparler. C'est. Je te C'est. termine la série à l'arrache. Mais Non, mais même la attends. série en elle-même. Ouais, c'est vrai. Par contre, faut reconnaître un truc. Faut reconnaître un truc, c'est que. Moi, je tiens à dire que même si la saison 4, elle est bâclée, enfin, surtout les derniers épisodes, les 2 derniers. Je tiens à dire que dans le 92 et le 93, Surfroid et le retour, ils avaient fait fort. Parce qu'avec le Colosse et le ski qui est détruit, le retour de William, tout ça, j'avais trouvé ça hyper fort en fait. Mais bon, en fait, moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est vraiment la toute fin, tu vois. Cette espèce de fin où t'as Yumi qui se bat contre William dans l'usine. Ok. T'as Hopper qui meurt. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Tu ressens pas trop l'émotion. Puis à la fin, quand ils me disaient au revoir, et puis voilà, les souvenirs, la vie est belle, enfin je sais pas, ça fait un peu trop, je sais pas, trop happy end. Enfin, même si Hopper est mort, tu vois, limite, tu t'en fous, quoi. Non, c'était totalement désamorcé dès le début de l'épisode. Ah bah oui. Avec le rêve de Ah Lolita. bah oui, c'est vrai. Parce que dès le début, on voit. Ah bah oui, bah c'est vrai que dès les premières secondes, on sait ce qui va se passer. J'avais même oublié, tu vois. On se demande même pourquoi ils nous ont. Enfin, comment ils étaient à ce nom. Parce qu'en fait, ils ont supprimé les flashs d'anticipation de Odd. Ils ont voulu les remettre un petit peu à la fin de la saison 4. Les attribuer à Elita. C'est lui donner un nouveau pouvoir, les rêves prémonitoires. Ils ont voulu les réinsérer, parce que ça manquait aux fans. Ce qui était prémonitoire, donc ils se sont dit. Ouais, mais ça a tout gâché leur vision là. J'ai envie de dire que les flashs prémonitoires de la saison 1 étaient quand même plus intéressants parce qu'ils ne dévoilaient pas directement la fin. On en voyait une partie, mais on pouvait se dire est-ce qu'elle va tomber? Là, je prends l'exemple de Teddy Godzilla, tout premier Ouais, épisode, c'est quand vrai. Alita tombe, est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va se faire sauver? Non, là, on sait tout de suite qu'il va exploser. Ouais, c'est vrai. Mais Gâche le suspense. exactement. Mais là, pour Alita, à moins que Moonscoop s'est dit, ouais, on vise un public relativement jeune, il faut les ménager. Tu vois, ça trouve, ils se sont dit ça, tu vois. Alors, on va leur montrer un peu ce qui se passe dès le début, comme ça. Non, mais. Enfin, bon. Disons que si jamais la sortie de la saison 5 était sortie tout de suite après, j'aurais accepté, mais voilà quoi. Ouais, et puis Y a pas eu même. de suite. Et puis en plus, Moonscoop, tu sens. Ils ont fait des économies, mais jusqu'au bout. Quand ils nous disent au revoir, ils nous ont remis des images des autres saisons où tu les vois en train de dire au revoir. Sauf pour Alita, bien sûr. Sauf pour Alita et pour le truc La de fin. groupe, là. Ouais, la toute fin, voilà. Mais sinon, C'est tout. c'est. Il n'y a que deux plans qui sont originaux. Sinon, Exactement. la le troisième, salut c'est de le Luc. super calculateur. Et puis même dans Alors, l'épisode, hein. c'est Dans tout ça. l'épisode, Souvenir, c'est. Ouais, c'est sympa, mais c'est du recyclage, en fait, pendant tout l'épisode, hein. À peine. Ah bah, l'avantage, c'est qu'on a au moins les musiques sans trop de Ouais. potage. Et imaginez que la saison 4 se serait terminée par l'épisode 94. Juste avant l'épisode Souvenir, quoi. Genre, Hopper est mort, c'est fini, tout le monde pleure et générique. Et là, c'est la fin de la saison 4. De toute façon, c'est. J'ai eu du mal, enfin, je veux dire. Quand Franz est mort, je me suis dit, bah, c'est bête. À la limite, je crois que la scène aurait été un peu plus intense. Retourner à l'état sur Terre, ça aurait été pas mal. Mais mettre juste après le générique des Subsonics, je trouve que ça casse totalement l'ambiance dramatique. Quoi. Ouais, c'est. Là, tu comprends que c'est juste la fin d'un épisode, après Non, tout. moi, ce qui m'avait dérangé dans la scène où Elita elle revient, c'est ses larmes en fait. Je les ai trouvées hyper grosses et tout, trop mal faites. C'est pas des petites larmes, hein. Comment elle pleure C'est la trop, enfin fontaine, là. ah, très drôle le jeu. Enfin bon, donc à la fin, c'est un petit happy end. Si, t'es notre ami. Tout est fini, c'est génial. Hopper On se meurt la dit. et personne ne pleure. Ouais, c'est vrai, personne ne pleure, hein. À Elita, c'est vrai, il faut commencer une nouvelle vie. C'est voilà Ouais, quoi. mon père est mort, mais c'est pas grave. Mon père est mort, ouais. Façon, c'est un con, il m'a pourri la vie. Non, mais ça aurait été crédible si c'était la fin de la saison 2. Parce qu'à la fin de la saison 2, je me souviens qu'elle était là, ouais, il m'a pourri la vie, etc. Mais après, tu vois, apparemment, son père lui manque et tout. Elle essaie de le chercher. Elle va même discrètement sur une loco avec Hot pour essayer de retrouver des traces de son père. Alerte, alerte, alerte, alerte. Ah, c'est complètement con. Je veux dire, Aïda est forcément déprimée. C'est obligé. Elle Bah, peut pas elle a tirer pas l'air après d'être sur sa vie. déprimée. Attends, dans la saison 3, elle va sur Lyoko avec Odd en furtif pour trouver des informations, c'est ce que tu étais en train de dire. Et d'un seul coup, dans la fin de la saison 4, je te tire une grande croix sur ma vie et je m'en fous. Non, à mon avis, c'est pas crédible. Et là, je parle de la psychologie des personnages. Aelita aurait besoin au moins de retrouver ses racines. Si ce n'est pas son père, c'est au moins sa mère. Et ça pourrait au moins justifier le fait que Aelita pourrait rallumer le supercalculateur pour trouver des informations sur sa mère. Là, je vais m'éloigner un peu, mais par rapport à Jérémy qui fait son premier multi-agent en un épisode et il y en a détruit, c'est pas. Ça vous a pas choqué, ça? De quoi? Que Vous Jérémy, avez activé quoi? il fait son programme multi-agent en 2 nuits et Xana est détruit. L'épisode d'après. L'anti-encyclopédie qui Ouais. dit tout simplement que pendant 4 saisons, les héros essaient de tuer le méchant jusqu'à ce que l'un des héros se rende compte qu'ils avaient une touche tuer le méchant sur son Ouais, ordinateur. Et ça je me résume bien souviens. la chose. Hein? Ah oui, c'est Xana. Tu vois, j'ai aussi vu des fan art où ils exterminent Xana, contrôle alt supprime. C'est du bon foutage de gueule, mais c'est ça en fait, quoi. Ah ouais, je pouvais le tuer depuis le début, mais j'ai jamais pensé, parce que je suis trop con. Je préférais fabriquer un sous-marin et vous envoyer aux quatre coins du monde à risquer votre peau à détruire des super calculateurs, alors que j'avais juste ce super programme. Quelle idée! Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre émission, où on a passé à peu près une demi-heure à vous parler de la saison 4 et 5. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, les sujets varieront aussi selon les épisodes. Ou alors dites-nous ce que vous voulez entendre, si vous avez des propositions à nous faire part. Nous sommes tout ouïes. Vous pouvez par ailleurs nous contacter à l'adresse suivante. Alors, Orkal, Orkal, @live.fr. Alors, était présent avec nous ce soir, JD. Au revoir! Nat. Allez, salut tout le monde! Avec des petits accents. Et Roro. Bye! Et enfin moi-même, Light. Bon allez, ciao! On me dit que je ne suis qu'un bon à rien, un vrai loser. Et d'un mot qui sonne, je ne suis plus dans le coup. Une flèche au cœur, je vais. Partie du show, tirer le rideau, éteignez les lumières. Qu'est-ce que je peux faire? Quoi, ça sur ma chaise? Déchaînez-moi, on va s'envoler. Encore un de ces jours sans lumière, quel enfer. Mais j'y suis presque là. On va s'envoler. J'en ai rien à faire, pourquoi devoir plaire? J'en ai assez d'être.